Vous avez toutes des vies faciles, ça fait curieux de parler d'un sujet aussi bizarre que survivre aux crises, puisque vous avez toutes survécu, donc vous n'en avez pas, mais quand même au cas. S'il y a des possibilités de vivre des crises dans la vie financière, sentimentale ou psychologique, il est important de savoir comment y faire face. Nous recevons donc Bernard de Montréal pour nous entretenir sur ce sujet. Bernard. Les processus de développement vivent fréquemment des situations de crise, crise qui s'associe souvent aux facteurs affectifs, aux professionnels, aux matériels, financiers. Est-ce qu'il y a à comprendre un point particulier sur le plan de notre prise de conscience des faits de la vie? Est-ce qu'il y a une attitude à prendre, une façon d'agir ou de s'actualiser dans une condition de crise et aussi d'où vient la crise? On devrait plutôt partir de là. D'où vient la crise? C'est quoi une crise, une situation de crise pour un ego, pour une personne? Est-ce qu'il y a une construction particulière qui fait qu'un individu arrive à une situation de crise? Est-ce qu'il y a un manque dans la conscience de l'individu pour qu'il soit constamment confronté à des situations de crise? Bon, la crise, ce qu'on appelle des crises, les crises ont plusieurs origines. Premièrement, les crises ont des origines dans notre programmation. Notre programmation nous prédispose à vivre sur le plan matériel d'une certaine façon. Donc, les crises découlent de cette programmation. Les crises aussi découlent du fait que l'âme a besoin de choc pour évoluer. Et notre compréhension de la vie, notre compréhension occulte de la vie est trop diminutive pour que l'on réalise jusqu'à quel point la crise est importante dans le développement de l'homme. Et comme l'homme a besoin de crise pour se développer, pour évoluer, l'ego, lui, est obligé de ramasser la crise pour que la lumière descende et fasse évoluer l'âme ou la partie astrale de l'homme. Et une autre source de la crise, c'est que, sur le plan initiatique, quand un être en arrive à joindre ce qu'on pourrait appeler les limites de sa conscience planétaire et qu'il doit passer à une conscience universelle. Il doit vivre d'autres crises qui ne sont pas simplement pour le développement de l'âme, mais aussi pour le renforcement de son esprit, c'est-à-dire la formation d'un canal d'énergie entre le plan mental puis sa conscience égoïque. Et c'est ce dernier niveau de crise qui est probablement le plus important sur la Terre. Donc, on a trois niveaux de crise. Un qui est lié à la programmation, donc qui est lié à notre caractère, les attributs accumulés de notre expérience dans notre vie présente ou dans nos vies antérieures, qui fait en sorte qu'on approche la vie d'une certaine façon, à l'aveuglette. Et qui nous met dans une situation où on n'a pas toujours les réponses, où on n'agit pas toujours d'une façon intelligente, c'est-à-dire froide. Et l'âme n'évolue pas beaucoup à travers la crise qui résulte d'une programmation. Ça fait partie de son karma, ça fait partie de l'ajustement de ses actions, ça fait partie de l'ajustement de la comptabilité de ses actions. Où l'âme évolue beaucoup au niveau de la crise, c'est lorsque l'être, l'ego, commence à comprendre les lois de la vie, c'est-à-dire qu'il commence à reconnaître que la crise est utile. À partir du moment où l'homme reconnaît que la crise est utile, là, il commence à être intelligent de la crise. Et il commence à développer des mécanismes, des façons de traiter avec les événements de la vie. Sur le plan initiatique, c'est un autre niveau. À ce niveau-là, l'homme devient de plus en plus habilité à renverser le processus de la crise et à éteindre les crises. Donc, quand on regarde le phénomène de la crise, on le regarde au niveau de la programmation, l'humanité en général, on regarde au niveau de l'expérience humaine pure. Quand on le regarde au niveau initiatique, on en arrive à réaliser que l'être humain sur la Terre étant un être de lumière, c'est-à-dire un être qui dispose de moyens de contrer à sa programmation, ces moyens-là font partie de sa conscience universelle. Ces moyens-là ne font pas partie de sa conscience intellectuelle, sa conscience morale, sa conscience spirituelle. Ils font partie de sa conscience universelle. Et à partir du moment où l'homme prend conscience de ceci, il commence à éliminer les crises de sa vie. Donc, pour éliminer la crise, il faut avoir une conscience de plus en plus mentale, c'est-à-dire une conscience qui permet à l'individu de sortir de la mémoire de la race ou des habitudes de vie présentes qui sont basées sur un facteur d'acculturation. Parce que quand on dit que l'homme sur la Terre n'est pas intelligent dans son expérience de vie, quand on dit que l'homme ne sait pas comment traiter avec la vie, c'est pas qu'il n'est pas intelligent dans le sens qu'il n'a pas accès à de l'intelligence. Il a accès à de l'intelligence. Mais cet accès est diminué parce que sa vocation existentielle, son expérience humaine est trop conditionnée par des facteurs extérieurs à lui-même. Ces facteurs-là sont basés sur nos religions, sur nos systèmes de philosophie, sur les mœurs sociaux, sur la mémoire de la race. Et l'homme n'est pas capable d'individualiser sa conscience, c'est-à-dire d'agir par rapport aux événements qui créent une crise, en fonction d'une intelligence froide, c'est-à-dire une intelligence qui est reliée entre le plan de sa mortalité et le plan de son immortalité, c'est-à-dire sa conscience universelle. Et c'est pour ça que l'homme n'est pas intelligent dans la vie et qu'il n'est pas capable d'éliminer la crise. On a tendance à penser que la vie nous est imposée, que la vie est faite comme ça, mais les paramètres psychologiques qui nous font penser ainsi sont des paramètres qui sont enracinés dans l'endoctrination psychologique de l'ego, qu'on soit chinois, allemand, américain, juif, quoi que ce soit. Et l'homme doit se sortir de ceci un jour. Il doit entrer dans une conscience totalement personnelle, c'est-à-dire une conscience qui ne nie pas la façon ou qui n'est pas en opposition avec la façon dont les gens ou l'humanité traitent des événements de la vie, mais en ce qui le concerne, le force à réaliser que sa vie, c'est sa vie. Et il doit la mater selon les attributs qui lui sont personnels. Mais pour ça, il faut que l'homme se déracine de quelque chose. Et on grandit, on vit au monde, on grandit, on est enraciné dans une conscience collective. Et notre conscience personnelle est très, très partiale à la conscience collective. Et c'est pour ça que l'initiation solaire est nécessaire pour l'homme, parce que c'est seulement une initiation solaire qui peut permettre à l'être humain de se déraciner d'une conscience collective et se protéger, pour ainsi dire, des paramètres psychosociaux qui conditionnent l'ego et qui l'empêchent de réduire ou d'éliminer les crises à sa façon. Ça demande une grande force intérieure, ça demande un mental très froid, ça demande une conscience qui n'utilise les aspects émotifs que pour le plaisir de vivre et non pas pour la souffrance de vivre. Et ça fait partie d'une nouvelle évolution, ça fait partie d'une nouvelle psychologie humaine et ça transcende complètement le caractère existentiel de la vie planétaire. Et pour que l'homme en arrive à ceci, il sera obligé un jour de faire des choix. c'est-à-dire faire des choix entre lui-même, pour lui-même, vis-à-vis de lui-même, ou par rapport à ce qui existe dans tout l'environnement ou dans toutes les atmosphères collectives qui l'entourent et dans lesquelles il baigne depuis sa naissance. C'est pour ça qu'une initiation solaire est très difficile, non pas parce qu'elle n'est pas... arrêtable, mais parce qu'elle force l'ego à dépasser la moindre de ses craintes. Quand vous dites la moindre de ses craintes. La moindre de ses craintes, c'est la moindre de ses craintes. Ou t'as une crainte, t'as une crainte. Est-ce que ce soit grosse de même, une crainte, c'est une crainte. Une crotte de nez, c'est une crotte de nez. Une crotte de nez, une grosse crotte de nez. Une crotte de nez, c'est une crotte de nez. Est-ce que c'est la crainte qui est à l'origine de la crise? Non. Non, la crainte n'est pas à l'origine de la crise. La crainte, elle fait partie du conditionnement de l'ego. La crainte fait partie du pouvoir astral sur la conscience humaine. Je vous donne un exemple. Je vais vous en donner un bon exemple. Supposons que vous êtes dans une situation de crise, que vous venez de faire un accident. Il y a des pensées qui vous viennent au cerveau. Les pensées qui viennent au cerveau sont toujours des pensées de crainte. Mm-hmm. Je me rappelle quand j'étais étudiant aux États-Unis, je m'étais loué un petit appartement, puis j'avais pas beaucoup d'argent, puis je m'étais caché 40$ dans un tiroir en haut de mon garde-robe. Puis j'arrive un jour, puis mon 40$ était parti. Puis j'ai entendu parler par les gens qui vivaient autour dans l'appartement, dans le complexe, puis il y avait un Mexicain qui était là, puis il savait comment ouvrir nos portes, puis il volait les gens qui rentraient dans l'appartement, les nouveaux locataires. Puis ça m'a réellement mis le feu aux poudres, à un point tel que je suis allé en ville, parce qu'aux États-Unis, on peut acheter des fusils. Je suis allé en ville, dans le centre d'Albuquerque, je me suis acheté un petit... ce qu'on appelle un Belgian Whack, un petit 22 belge, un petit. Puis, je m'étais dit, si le gars, il rentre dans mon appartement à cause, j'y lance ça d'une fesse. Fait que, je reviens à mon appartement, puis un soir, j'entendais le type qui essayait de... Fait que je me cachais derrière la porte. Sais-tu qu'est-ce que c'est la pensée qui m'a passé par la tête? C'est que si j'y tirais d'une fesse, ce qui est un moindre mal, si je tirais d'une fesse, probablement que je perdrais mon visa d'étudiant. C'est ça qui m'a empêché de tirer d'une fesse. Puis probablement, s'il était rentré, il n'est pas rentré dans l'appartement, mais s'il était rentré dans l'appartement, probablement que je n'aurais pas tiré parce que cette pensée-là m'avait conditionné à la crainte de perdre mon statut d'étudiant aux États-Unis. Tandis qu'aujourd'hui, si, théoriquement, s'il m'arriverait la même chose, c'est pas une fesse que j'y tirerais, tu sais. Ce que je veux dire, c'est qu'on est conditionné par la crainte à partir du plan astral. Puis quand plus l'homme va passer du plan astral au plan mental, autrement dit, plus l'homme va passer du plan de l'âme au plan de l'esprit, plus l'homme va vivre sa conscience mentale d'une façon catégorique, d'une façon très résiliente, en puissance. La crainte n'existera plus, puis l'homme, à ce moment-là, pourra facilement entrer dans des domaines de conscience universelle qui sont très lourds, qui sont très, très lourds. La conscience universelle, c'est très lourd. Ce n'est pas... la conscience universelle, c'est pas... quand on est inconscient ou quand on est en évolution ou quand on est en recherche de conscience... Notre approche vis-à-vis la conscience universelle ou vis-à-vis la capacité de savoir ou de comprendre la vie à tous les niveaux, c'est, pour nous autres, c'est intéressant parce qu'il y a une grosse curiosité chez l'homme. Donc, l'homme a été barré de ceci pendant tellement longtemps que maintenant que l'homme a accès à savoir ou à connaître ou à être en communication télépathique avec le plan mental, pour l'ego qui n'est pas initié à ceci, c'est intéressant. Mais quand tu es dans une conscience universelle, puis que ton centre mental est ouvert comme une plaie, puis que tu es toujours en communication, tu as toujours accès à de l'information de différents niveaux, il y a un grand poids qui qui s'établit, qui se place sur les épaules de l'individu. Et ce n'est pas facile d'avoir une conscience universelle. Et pour que l'homme l'atteigne, pour que l'homme la pénètre, pour que l'homme y accède à cette conscience, faut que la crainte disparaisse de sa conscience mentale. Sans ça, l'homme ne pourrait pas supporter une conscience universelle. Il craquerait. Ce serait quoi l'ultime crainte? L'ultime crainte, quand une conscience universelle, l'ultime crainte... Ah, ça, c'est intéressant quand même. L'ultime crainte pour un homme conscient, ce serait... Ce serait l'incertitude. C'est dur à répondre à votre question. L'ultime crainte pour un être conscient, ce serait l'incertitude. C'est ça. L'incertitude. C'est l'ultime crainte. Pour un être conscient, il pourrait craindre de ne pas être... L'incertitude pour un être conscient, ça équivaudrait à de l'incertitude. Vivre de l'incertitude, ça serait sa crainte. Ça serait sa crainte. Est-ce qu'on peut être conscient puis craindre d'être incertain? La question est toute là. Ça dépend du taux vibratoire du corps mental de l'individu. Donc, il y a des registres de conscience. Il y a des registres de conscience. Okay. Puis, une fois que le canal mental est ouvert et que l'homme est dans une conscience universelle, qui est en contact avec le double, ainsi de suite, qui n'est plus en contact avec les registres de l'astral. La notion de la vie ou les notions de la vie sont totalement renversées. Mm-hmm. Recevoir de l'information à partir du plan des âmes, à quelque niveau que ce soit, et recevoir de l'information à partir du plan mental, c'est totalement en opposition. Le plan mental est totalement en opposition avec le plan astral. Parce que le plan astral, c'est le plan de la mort, le plan mental, c'est le plan de l'immortalité. Donc, ce sont des mondes totalement différents. Et la gestion de cette énergie-là dans notre cerveau matériel, quand on est sur le plan matériel, quand tu es en dehors de ton corps matériel, c'est une autre chose. Mais quand tu es dans ton corps matériel, cette gestion-là, elle est très lourde parce que il y a constamment un travail qui se fait, un ajustement qui mène éventuellement à la dislocation du corps éthérique, le maintien capillaire du corps éthérique, pour que le corps éthérique ne puisse plus se dissoudre lorsque l'homme finalement arrive au port de la mort et que l'homme puisse passer du plan astral au plan éthérique. Donc, pour que le corps éthérique demeure indemne lorsque l'homme cesse de vivre sur le plan matériel, il faut qu'il soit sur le plan mental toujours activé électriquement. Et c'est ça qui crée une grande souffrance. Par exemple, chez un initié, parce que l'initié est obligé de faire deux rôles. Hein. L'initié a un rôle universel, qui est occulte, qui est caché, qui est voilé à une civilisation. Et l'initié a aussi un rôle à vivre par rapport à lui-même. Et il est constamment obligé d'unifier son énergie. Donc, il est obligé de vivre en tant qu'initié pour lui-même. Donc, en tant qu'homme pour lui-même, puis il est obligé de vivre aussi en tant qu'initié ou en tant qu'homme pour le travail qu'il fait occultement sur un plan. Et ceci, ça crée beaucoup de stress psychique dans sa conscience. Ça détruit la crainte. Et éventuellement, mais ça crée un canal tellement perfectionné que, éventuellement, techniquement, l'initié ne vit plus d'incertitude. Mais quand je dis que l'initié ne vit plus d'incertitude, je le dis simplement par rapport à des fractions de conscience qu'il atteint. Un initié ne vit pas une constante conscience. Il est constamment conscient. Mais il ne vit pas une constante conscience. Il vit des fractions de conscience, mais tellement rapprochées que ça équivaut à une conscience constante. Mm-hmm. Sinon, la vie sur le plan matériel sera trop difficile. Mm-hmm. Tu ne peux pas vivre toujours conscient. Tu sortiras ton corps. Donc, pour te garder dans ton corps, il faut absolument que ça soit brisé, ça. D'ailleurs, c'est très juste, c'est très précis de savoir que l'homme meurt et naît instantanément. L'homme meurt et naît. Si on regardait l'homme au niveau électrique, au niveau électromagnétique, au niveau réellement énergétique, on verrait que l'homme meurt, il naît, il meurt, il naît. Mais ça se fait tellement vite que l'impression qu'il vit tout le temps. Bon, ben, l'initié, il vit ça, mais à un degré plus poussé. De sorte que il meurt, il naît, mais quand il meurt, il sait, puis quand il naît, il sait. Et c'est ça qui crée le stress dans sa conscience, puis c'est pour ça que je suis obligé de dire que l'initié n'a pas une conscience permanente, mais il est de façon permanente conscient. Mm-hmm. Est-ce que vous pourriez faire un parallèle à ce moment-là entre cet état de conscience-là de naître et de mourir, comme le corps a des cellules qui se créent et des cellules qui disparaissent? Ça fait partie de ça, d'ailleurs. Il y a un parallèle. Mm-hmm. OK. Est-ce qu'à ce moment-là, Bernard, la crise ne serait pas une trop grande distance entre les moments de conscience et les moments d'inconscience? OK. Ça, c'est très intelligent ce que vous dites. C'est ça, une crise. Une crise, c'est une trop grande distance qu'on laisse entre les événements. De la crise, les crises, c'est pas les crises en elles-mêmes qui sont le problème. C'est notre façon de traiter avec elles. Si on était capable de traiter avec les crises, bang, bang, bang, bang, bang, on ne connaîtrait pas les crises. Donc on aurait une conscience. On aurait réellement une conscience anti-crise. On aurait une conscience réellement créatrice et on serait automatiquement en dehors de la programmation planétaire. Mm-hmm. Mais à cause de notre mémoire, à cause de notre qualité de pensée, de notre façon de penser, nos mœurs, ainsi de suite, on traite les crises, puis on les allonge, puis on les allonge, puis on les allonge. Puis il y a toujours des facteurs de crainte qui nous font les allonger. C'est la crainte qui nous empêche de résoudre les crises. Puis ça existe au niveau individuel, comme ça existe au niveau international. C'est la crainte qui empêche de résoudre le problème en Yougoslavie. Mm-hmm. Pour toutes les raisons. Donc, je comprends bien, une crainte, c'est un facteur de délai. Une crainte, non. Une crainte, c'est un facteur astral qui crée le délai. Il faut toujours considérer la crainte comme un facteur astral, comme un facteur animiste. Ça fait partie de l'âme, crainte. Ça ne fait pas partie de l'esprit, crainte. Mm-hmm. C'est lié tout le temps lié à la mémoire. C'est toujours lié à la mémoire, c'est toujours lié à l'expérience antérieure, c'est toujours lié à l'accumulation énorme des expériences humaines dans une vie ou dans une autre. C'est de la crainte, c'est de la dégénération. C'est de l'inertie? Non. Ce n'est pas de l'inertie de la crainte, parce que vu du plan astral, de la crainte, c'est de l'action. Mais vu du plan humain, ça devient de l'inertie. Il faut toujours regarder la vie à partir du plan astral. On ne peut pas regarder la vie à partir du plan humain, parce que le plan humain, c'est simplement une structure psychologique qui nous permet, en tant qu'être incarné, de sentir la pression existentielle. Ou sentir la pression de la matière, alors que tout se passe sur les plans psychiques. Mais on n'est pas conscient des plans psychiques comme étant des réalités en soi, parce que notre ego a pris toute la place dans notre conscience et a créé des effets miroirs qui font en sorte que on a très peu de notions de notre réalité astrale, comme on n'a aucune notion de notre réalité mentale. Donc, en tant qu'ego, on est obligé de vivre constamment notre vie à l'intérieur de paramètres existentiels qui nous perturbent, puis qui nous perturbent, puis qui nous perturbent. Et ça nous affecte du plan mental jusqu'au plan matériel. Et la perturbation, on la vit constamment. On vit toujours un mouvement sinusoïdal dans la vie. Et ça fait partie de l'inconstance de l'ego. Ça fait partie de la permanence des forces astrales et ça fait partie de l'éloignement ou du retrait énorme des forces mentales qui, ultimement, sont notre lumière, sont notre port d'attache, sont notre réalité, notre source, ainsi de suite. Une personne qui est confrontée à une crise, parce que vous avez parlé d'électrification du mental tout à l'heure, est-ce que cette personne-là, si elle était capable de trouver des niveaux d'échange pour électrifier son mental, se sortirait d'une crise instantanément? Trouver des niveaux d'échange, parler avec des gens pour électrifier le mental, ça c'est une chose. Mais passer à l'action, c'est une autre chose. Bon, mais la prise de décision, en partant de votre instruction où vous dites, c'est pas nous qui pensons. Donc, on a deux sources d'information, l'astral ou notre source, le double. Si on ne peut pas prendre de décision, c'est parce que la connexion ne se fait pas entre la source et l'ego. Donc, il y a une distorsion dans la connexion. La prise de décision, il faut qu'elle se fasse en quelque part. Comment elle se fait? La prise de décision, ultimement, chez l'homme, doit se faire par électrisation de ses corps. Autrement dit, un homme ne prend pas une décision en allant intérieurement. Un homme prend une décision quand l'énergie qui part des plans supérieurs est capable de descendre directement et se manifester sur les plans inférieurs. C'est ça la décision. Mais nous, on a des facteurs qui empêchent ceci. Donc le facteur astral, notre conscience astrale, c'est un grand facteur qui empêche nos corps de s'électrifier et donc de nous mettre dans un processus décisionnel pour éliminer les crises. Si on faisait l'exercice d'aller intérieurement, je vais-tu faire ci, je vais-tu pas faire ça, on s'astraliserait parce que ce n'est pas la fonction de la lumière de rendre l'homme intelligent. C'est la fonction de la lumière d'éclairer l'homme. Mm-hmm. Par contre, c'est la fonction de l'astral de donner à l'homme l'impression d'être intelligent. Il ne faut jamais oublier que être intelligent, ce n'est pas une capacité égoïque de traiter en communication avec les plans invisibles. Être intelligent, d'ailleurs ça ne fonctionne pas de même et l'homme s'en apercevra un jour. Être intelligent, c'est en arriver éventuellement à pouvoir ouvrir nos sens, autrement dit éliminer les craintes pour que l'énergie descende, donc que cette clarté se manifeste et que l'homme prenne des décisions qui sont dites intelligentes, c'est-à-dire des décisions qui rendent sa vie plus agréable, plus créative, plus expansive. Notre définition de l'intelligence, évolutivement parlant, est très différente de la définition que l'homme aura de l'intelligence demain. Être intelligent quand tu es conscient, c'est en arriver à amener la vie sous ton contrôle. Amener la vie sous ton contrôle impose ou demande que l'homme ait des sens suffisamment ouverts, autrement dit débloqués, parce que la crainte n'existe plus, pour que l'énergie puisse passer et qu'il puisse automatiquement agir en fonction de l'équilibre de ses corps. C'est ça être intelligent. Être intelligent, c'est manœuvrer ou faire la gestion de son énergie pour que le corps mental, le corps émotionnel, le corps éthérique, le corps physique soient balancés. C'est ça être intelligent. Quand vous dites une conscience astrale, est-ce que ça sous-entend que l'individu est émotionnellement ou psychologiquement responsable des pensées qui lui sont envoyés par les plans astraux? Bonne question. L'homme découvrira que la responsabilité psychologique morale de ses pensées fait partie de l'aliénation de sa conscience. Je vous donne un exemple. Si on regarde les religions pendant l'évolution, ont été très nécessaires à l'humanité parce que l'homme, pour contrebalancer la puissance de ses forces animales, avait besoin de religions qui ont été amenées sur la Terre par des initiés pour harmoniser un petit peu le comportement humain puis les relations interraciales, ainsi de suite, pour finalement amener au développement des civilisations, ainsi de suite. Mais la fonction des religions, cosmiquement parlant, c'est une fonction qui sert sur le plan collectif des consciences non individualisées. Les religions demeureront sur la Terre tant que les consciences ne seront pas individualisées. Une fois qu'une conscience est individualisée, la religion ne peut plus exister chez astralisé qui suppose une connexion avec la mémoire de la race, une connexion avec un esprit spiritualisé, religieux, occultifié, ésotérisé. N'importe quoi. Ces pensées-là ne sont plus utiles chez l'être humain. Et l'homme le sait, l'homme voit à travers. Donc, il voit à travers le voile astral de la pensée. Mais tant que l'homme ne voit pas à travers le voile astral de la pensée, il est astralisable. Et à ce moment-là, le sens de responsabilité que vous préconisez, il fait partie de cette inconscience-là. Donc, il y a différents plans de conscience. Il y a différents plans de conscience parce qu'il y a différents registres de compréhension des communications. Mm-hmm. Quand vous parlez pensée, vous devez comprendre communication. Okay. Aujourd'hui, on parle pensée. Bon, quand on parle pensée, on pense simplement à réflexion personnelle, autosuggestive. Mais un jour, on saura que la pensée, ça va plus loin que ça. Que la pensée, c'est ultimement de la communication en différents plans. Que ce soit le plan astral avec des entités spirituelles, ou que ce soit sur le plan mental avec la source, le double, ou appelez ça comme vous voulez. Mais ultimement, la pensée... La pensée, le phénomène de la pensée, c'est un phénomène de communication interplanaire qui donne à l'homme son essentialité. Mais l'homme n'est pas arrivé généralement sur la Terre à cette conscience-là. Donc, ces pensées, qui sont d'un registre très, très inférieur, ont beaucoup de statique. Et cette statique, ça fait partie de l'astralité. Et un homme ne peut pas penser... des pensées claires quand il est trop astralisé, parce que c'est la fonction de l'astral de créer la statique. Ça fait partie de son statut animique, ça fait partie de ses archives, ça fait partie de sa mémoire consciente, inconsciente. Donc, pour que l'homme en arrive finalement à passer d'un registre de pensée à un autre, plus mental, il faudra qu'il vive une initiation solaire au cours de l'évolution, qui lui permettra finalement d'accéder à un droit commun. Un droit commun, c'est quoi? Un droit commun, c'est une faculté essentiellement cosmique qui n'appartient pas au karma de la race, qui ne fait pas partie de l'existence planétaire de l'homme, qui fait partie du caractère moronciel de son entité universelle, qui est son entité éthérique, et qui lui permet ultimement de traiter avec les affaires de la vie planétaire, ou avec les affaires d'autres mondes, ou de d'autres plans, ou d'autres planètes, d'une façon totalement moroncielle, c'est-à-dire d'une façon totalement unique, totalement perfectionnée, totalement sous le contrôle de la lumière, c'est-à-dire ses forces qui font partie de lui, mais qui, sur le plan mental et sur le plan moronciel, sont parfaitement unifiées dans ce qu'on appelle une fusion. Est-ce qu'à chaque plan de conscience, il y a un type de décision? À chaque plan de conscience, il y a une inversion de la réalité proportionnelle à la fonction karmique de ce plan de conscience-là. Le seul niveau où un plan de conscience cesse d'être karmique et devient cosmique, c'est lorsque l'homme ou la pensée humaine est reconnectée à un diapason vibratoire qui permet à l'âme de cesser de brouiller les ondes de l'esprit. À ce moment-là, l'homme est capable de découvrir, de percer les mystères, d'atteindre des objectifs créatifs de sa propre lumière et de les appliquer sur un plan matériel en fonction d'un processus totalement naturel et qui lui est vibratoirement transmis par la descente de cette énergie-là. Mais sur le plan karmique, sur le plan des âmes, les registres de conscience sont valides seulement dans la proportion ou dans la mesure où ces registres-là confinent l'âme à des archives ou à une programmation qui font partie de son passé, qui doivent être transmutés, vécus, expérimentés, pour que la comptabilité des expériences soit faite afin de permettre une évolution ultimement universelle. Sinon, l'âme ne pourrait pas évoluer. Donc, si une personne est liée à l'évolution, ou même est liée à un processus évolutif, c'est quand même pas lui qui a le contrôle sur le processus décisionnel. Il prend les décisions de son inconscience, ou il véhicule simplement une vibration créative, comme vous avez spécifié, ce qui n'est pas une décision. Il prend des décisions en fonction de son registre mental astralisé, donc il prend des décisions en fonction de son caractère. Il prend des décisions en fonction de l'âme, il prend des décisions en fonction de ses archives. Il prend des décisions en fonction de son expérience en derrière. C'est ce que l'humanité a fait pendant des siècles. Elle a pris des décisions en fonction de son expérience antérieure. Mais c'est plus suffisant pour l'homme de prendre des décisions en fonction de son expérience antérieure, puisque l'expérience antérieure est toujours dominée par des facteurs karmiques, est toujours dominée par des facteurs d'imperfection, c'est-à-dire des limites de conscience. Quand on parle karma, on parle de limites de conscience. Un karma, c'est une limite de conscience. L'homme ne doit pas avoir de limite de conscience. L'homme doit avoir une conscience instantanée, créatrice, universelle, c'est-à-dire une conscience qui est capable de neutraliser instantanément, à volonté, le pouvoir astral de l'âme sur l'ego. Ça, c'est l'évolution. Ça, c'est la conscience supramentale. Ça, c'est l'homme nouveau. Appelez ça comme vous voulez. Ça, c'est l'homme libéré de l'évolution. Est-ce que l'individu conscient, c'est un individu qui a l'impression de prendre une décision ou qui fait simplement... Oui, oui. L'individu conscient a l'impression de prendre une décision et c'est très bon qu'il ait cette impression-là. Sans ça, la vie n'aurait pas de sens pour lui. Donc, on vient automatiquement à la rescousse du libre-arbitre. Donc, l'individu inconscient a le libre-arbitre, a un libre-arbitre. Mais c'est lorsqu'il passe à d'autres registres de conscience qu'il s'aperçoit que le libre-arbitre ne fait pas partie de la constitution ultimement universelle de l'homme. Quelle différence qu'il y a entre une prise de décision d'un individu conscient et d'un individu inconscient? La prise de décision de l'individu conscient prend toujours un individu conscient prend toujours dans sa prise de décision notion de ses émotions. Il y a toujours un facteur émotif dans sa prise de décision. Dans une prise de décision inconsciente, la froideur de l'esprit est inexistante. Tandis qu'un être conscient qui prend une décision, quand il prend une décision, c'est frais, c'est froid. Il n'y a pas d'émotion dedans. C'est purement intelligent. Ça tient compte de quoi? Ça tient compte de tout. Mais c'est pas lui qui tient compte de tout. C'est la présence de sa conscience tient compte de tout. Okay. Tu peux pas tenir compte de tout. Tu peux pas analyser tout. Mais ta conscience peut tenir compte de tout. Et si les centres sont ouverts et cette conscience peut se manifester parce que les éléments de crainte sont dissous, à ce moment-là, l'individu prend une décision. C'est froid. C'est-à-dire que ce n'est pas karmiquement conditionné. Ce n'est pas astralement programmé. Et c'est là que l'homme casse en lui la chaîne, la réaction en chaîne des événements. Tandis que l'homme inconscient, lui, ben, il prend une décision, puis après, ce qui va temporiser une crise, ou éliminer une crise, ou partiellement diminuer une crise, puis ensuite il va y avoir une autre crise, puis après ça il va y avoir une autre crise, puis après ça il va y avoir... Il y a toujours des crises. Le processus de crise continue. Tandis que dans la vie d'un être conscient, il vient un point que le processus de crise arrête. Dans l'individu conscient, est-ce que sa capacité d'être froid dans la décision répond au fait d'une certitude absolue de sa relation avec sa source? Oui, ça fait partie de sa fusion, ça fait partie de l'unité de ses plans. Ça fait partie de l'unité de ses plans. Il n'est pas fragmenté dans son être, il n'est pas diffus, il est cohérent, ouais. Bon, vous avez dit tout à l'heure que la lumière ou la source de l'individu était là strictement pour l'éclairer. Quelle différence qu'il y a entre un éclairage de la source et la perception qui pousse à une décision chez l'individu qui, lui, est dans le plan matériel? Où est-ce qu'elle est la nuance? Parce que techniquement, ce qui nous éclaire, ça ne prend pas une décision. Ça fait simplement nous éclairer. Mais d'où vient l'attitude chez l'individu qui est conscient, qui a une certitude de sa source, qui a une certitude aussi de se faire infuser une vibration et d'être capable de prendre une décision froidement? Quelle est la nuance entre être éclairé et être capable d'agir? Quand l'homme est éclairé, il est en vibration. Il est mis en vibration. Et est-ce que c'est cette vibration-là qui le fait décider? C'est cette vibration-là qui lui permet de s'actualiser. Donc, de ce que vous appelez, vous, décider. Décider. C'est une mise en vibration. Donc, il est électrifié, son corps mental est électrifié, tout est électrifié. Donc, dans ce sens-là, ce qui nous éclaire, c'est ce qui nous fait décider. Ce qui nous éclaire, c'est ce qui nous permet de décider. Non, mais permet, il y a encore une petite hésitation à dire que ça fait décider. Non. Si je prends une flashlight dans l'ouverture, si je prends une flashlight, je vous éclaire. Ouais. Mais je ne vous dis pas où aller. Mais vous êtes capable de prendre une décision où aller. Mais ça me donne une direction. Non. Je prends une flashlight, ouais. J'éclaire. Bon, j'éclaire dans cette direction-là. Vous pouvez aller là, là, là, là. Mais ça vous assure que vous pouvez aller là, là, là, là. OK. Puis un individu conscient est capable de négocier sa source pour pouvoir dire qu'il va diriger ça, ça, ça. Ça, c'est intéressant. Pas mal. Un individu, c'est intéressant, votre question. Un individu qui est réellement conscient est suffisamment éclairé pour ne pas se faire diriger par sa source. C'est pas évident. Pas encore. Ça s'en vient. Parce que... Parce que tant que les plans dirigent... Bon, parce que quand tu rentres dans une conscience occulte, le contact avec les plans, la relation télépathique avec les plans devient très, très réelle. Donc, c'est facile de se faire diriger par sa source. Une grande proximité. Mais ça va contre les lois de la fusion. Parce que la source ne veut pas être ou devenir l'intelligence de l'homme. La source veut simplement éclairer l'homme. Sans ça, ce serait de la domination. Oui. Parce que chaque fois que l'homme devrait prendre une décision, il sera obligé par le verre. Je fais ça. Il n'y a plus de liberté, là. Mm-hmm. Quand on parle de liberté, je parle plus du libre arbitre. Oui. Quand on dit que l'homme est libre. Pour que l'homme soit libre, il ne faut pas qu'il soit dit par sa source. Moi, tu fais ça. Mm-hmm. Il faut que lui soit capable de prendre la décision. Mais pour qu'il puisse prendre la décision, il faut qu'il soit éclairé. Mm-hmm. Vous allez me demander, c'est quoi la différence entre être éclairé et la capacité de prendre la décision? C'est quoi la différence entre être éclairé et la capacité de prendre la décision? Puis la réponse à ceci, c'est que plus l'homme est conscient, plus l'homme a une conscience fusionnée, plus la source et lui deviennent un. Donc, à ce moment-là, l'éclairage et la prise de décision se font. Oui, c'est ce que je pense. Si tu prends une décision, puis tu reviens, puis après, tu dis, « Ah, c'est à ça qu'il fallait que je prenne, hein? » Ils vont dire oui. Mais oui, c'est vous. Mais ils ne te le diront pas avant. Ouais. Parce que s'ils te le disent avant, à ce moment-là, ils t'enlèvent la liberté. Mm-hmm. Donc, la source, sur le plan mental, s'opposera toujours à... C'est pour ça que la source sur le plan mental s'opposera toujours, ultimement. Au début, peut-être non, parce qu'au début, l'homme doit s'habituer au contact avec elle. Mais éventuellement, la source s'opposera toujours à ce que l'homme lui demande de l'information pour prendre une décision. Ça, c'est juvénile. C'est au début de l'initiation solaire. Ouais. Mais quand l'homme est bien, bien avancé dans l'initiation, là, ils vont dire, prends donc tes décisions, là, tu vois, là. Mm-hmm. Prends tes décisions. Autrement dit, élimine donc les facteurs de crainte puis d'incertitude. Mm-hmm. Parce que si la source te fait prendre des décisions, le facteur de crainte n'est pas éliminé, c'est eux autres qui te l'indiquent. Mais là, à ce moment-là, ils te mettent en initiation solaire, et c'est comme ça que la source met l'homme en initiation solaire. Et tout le monde passera par ça. Ouais. Mais ultimement, quand l'homme a intégré son énergie, quand l'homme a intégré cette énergie-là, à ce moment-là, son initiation aura fait en sorte que les facteurs de crainte, d'incertitude auront éclaté chez lui. Et à ce moment-là, quand l'homme prendra une décision, il la prendra librement, mais elle sera parfaitement harmonisée avec sa source. Fait que si pour la fin, il va en dedans, puis il dit, ah, c'est ça qu'il faudrait que je prenne comme décision, on va dire oui. Puis encore, ils peuvent même aller dire, le fait que tu me le demandes, c'est parce que t'as encore un petit doute. C'est bien. Comment ça? Je suis totalement d'accord. Sont au bout. Ça pourrait-tu être possible, demain, qu'on ait à communiquer avec notre source, puis qu'on ait un jour à ne plus jamais communiquer avec notre source, parce que notre source, ça serait nous autres dans notre parole. Bon. Une fois que la communication est établie sur le plan mental, elle devient permanente pour l'éternité. Par contre, pour des raisons de paix d'esprit, pour des raisons de relaxation, pour des raisons de conditions matérielles, la source coupe le canal. Donc, tu vis pendant des longues périodes sans communication. Ils peuvent te couper, là. Puis, mais tu t'en aperçois quand il y a quelque chose qui se passe, là, tu vois que la communication commence, puis automatiquement, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que, techniquement, le mental devrait être totalement libre de communication. Mais quand que ça fouette, là, quand tu viens à conférence, quand je viens à conférence, pour que je donne une conférence, là, je descends, là, ça commence à plaquer. Puis ça, tu ne peux pas te laisser à placoter. Mais là, je suis tellement habitué, je les laisse placoter. Mais ça, c'est l'énergie qui descend. Puis une fois que j'ai commencé la conférence, ça coupe. Puis après ça, après ma conférence, c'est fini. Mm-hmm. Fait que, mais que la communication soit coupée, là, forever après. Non, parce que c'est la communication à ce niveau-là, ça devient pour l'être humain. Il y a bien des niveaux là-dedans, là. Mais ça devient pour l'être humain sa nouvelle fondation. Mm-hmm. Un être conscient qui a une communication télépathique avec le plan mental a une nouvelle fondation. Cette nouvelle fondation, elle est utile sur le plan matériel, mais elle est utile aussi sur le plan éthérique. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, hein, que quand l'homme meurt, qu'il s'en va sur le plan astral, la communication, la pensée, même inconsciente qu'il y avait sur la Terre, elle cesse. Mm-hmm. La grande souffrance des morts, c'est qu'ils ne peuvent pas penser. Mm-hmm. Alors que l'homme, lui, demain, qui sortira son enveloppe matérielle, qui ira sur le plan éthérique, continuera à vivre la communication. C'est pour ça que la conscience supramentale, qui est une conscience immortelle, elle est immortelle. Pourquoi? Parce que jamais ne cessera la communication avec les plans. Si on me demandait qu'est-ce que c'est la définition la plus fondamentale de l'immortalité, c'est la capacité de l'être de pouvoir communiquer, utiliser les réseaux universels de la pensée après la sortie de son corps matériel. C'est ça la conscience. Non. Si vous sortez de votre plan matériel et vous conservez votre conscience avec ces plans-là, ça veut dire qu'il ne vous est jamais donné l'accès à ces plans-là. Vous demeurez sur un autre plan. Ah, mais les cochons avec les cochons, puis les poules avec les poules. L'homme, c'est une âme incarnée dans la matière qui se moroncialise. Donc, l'homme a accès à un comoroncial. Il fusionne avec le double. Le double est sur son plan, puis l'homme est sur son plan. Mais les deux êtres, les deux plans d'énergie se rencontrent, se rejoignent. Mais demeurent quand même chacun sur leur plan. Je demeure chacun sur leur plan. OK. On revient au plan astral, où le phénomène de la prise de décision à ce niveau-là est... Quand tu regardes une allumette, ouais. Tu frappes une allumette, tu frappes le souffle de l'allumette, puis tu as le feu. Mais c'est toute l'allumette. Mm-hmm. L'immortel, c'est la même chose. Il y a la lumière, la source. Il y a un petit bâton d'allumette, c'est lui. Je suis le plan éthérique. Mais c'est un, c'est une unité. Puis un être conscient, c'est une allumette qui brûle tout le temps. Un être conscient, c'est une allumette qui brûle tout le temps. Puis c'est fatigant de brûler tout le temps. Parce que il y a toujours un ajustement. C'est pour ça que c'est très important pour l'être conscient d'éliminer de sa vie les crises. Ouais. Un être conscient ne peut pas vivre avec de la crise. C'est aussi anti sa réalité de vivre des crises sur la Terre que c'est normal pour l'homme évolutif de vivre des crises sur la Terre. Donc un être conscient se crée un ordre selon son niveau d'évolution, selon sa capacité, aussitôt qu'il commence à comprendre le processus de sa propre initiation, de sa propre transformation, il élimine les crises. Tu ne peux pas vivre quand tu es conscient parce que tes corps sont trop sensibles. Ce qui n'est pas une souffrance pour l'homme inconscient devient une grande souffrance pour toi. Donc, tu es obligé de réellement mettre de l'ordre dans ta vie tout le temps. Puis ça, probablement, ça dure jusqu'à la fin du... de la programmation planétaire. Mm-hmm. Je veux revenir, Bernard, au plan de la conscience astrale de l'individu puis sa prise de décision. Parce que souvent, les gens sont pris avec une conscience astralisée et ont à prendre des décisions. Il me vient l'idée, est-ce que il est possible qu'une décision prise avec une conscience astrale, ça soit une forme de croyance dans une pensée? C'est-à-dire que le fait de penser en « je », style « je pense que j'ai tel problème, donc je pense que je décide telle chose », voudrait signifier que l'individu, quand il vit de l'inconscience, prend une décision sur la base qu'il croit à sa pensée. Alors que vous, dans votre instruction, vous dites que l'être doit se libérer du « je » et être conscient de la mise en vibration par d'autres plans de la lumière, de ce qu'il doit faire ou de ce qu'il doit vivre dans le temps. Tu sais. Oui, mais c'est pas évident de se libérer du jeu. Puis la libération du jeu, ça fait partie de l'évolution de la conscience supplémentaire, le temps que ça va prendre pour l'homme sur la Terre de se libérer du jeu. Ça, c'est une question aussi à étudier. Mais ce qui est important pour l'homme, quelle décision à prendre quand il est dans un état d'inconscience, c'est d'apprendre à prendre des décisions en étant toujours conscient du facteur de crainte qui l'empêche de le faire. Si l'homme travaille à éliminer les facteurs de crainte à tous les niveaux qui l'empêchent de prendre des décisions, il va commencer à s'apercevoir que c'est facile de prendre des décisions, puis c'est facile de prendre des décisions, puis c'est facile de prendre des décisions, puis c'est relaxant de prendre des décisions, puis c'est le fun de prendre des décisions. S'il entretient le facteur de crainte qui l'empêche de prendre des décisions, mais à ce moment-là, ben, il demeure piégé dans le processus astral, puis ses pensées vont convenir avec cet empêchement-là. Mais si on regarde le facteur de décisionnel là, simplement au niveau de la crainte, au lieu du facteur si tu es intelligent, si tu es pas intelligent, regardez le facteur de crainte. Mm-hmm. À ce moment-là, on peut plus facilement s'habituer à prendre des décisions qui sont intelligentes. Puis après ça, on s'aperçoit que ça nous sert, puis c'est utile, puis c'est créatif. Bon, si à ce moment-là, tout individu dans sa vie, disons une personne travaille dans un emploi, vit une situation de pression par rapport au patron, la condition d'autorité du patron est vraiment excessive, la personne dit, bon ben là, il faudrait que je change d'emploi parce que je ne peux plus endurer ça. Ça devient pas intelligent dans le sens des apparences de décider de laisser son emploi. Mais la façon dont vous le parlez, de faire face à la crainte de perdre l'emploi, c'est intelligent de prendre une décision de laisser son emploi. Je donne un cas, là. Bon, okay. D'autres choses. Un type qui travaille dans mort. Un type qui travaille dans l'industrie, là, puis il y en aura le bol, là, puis les nerfs sont pas éclatés, là, puis le boss est un con, et ainsi de suite. Puis il y a une famille, il y a des enfants faits vivre. Qui en arriverait à éliminer le facteur de crainte, il en trouverait un job. Parce que la vie est toujours à la mesure de la progression créative de ton esprit. Autrement dit, la vie, c'est pas quelque chose qui est avec toi une minute, qui n'est pas avec toi l'autre minute. La vie, c'est pas une switch on and off. On and off. La vie, c'est toujours là, la vie. C'est nous autres, les hommes, on se boycotte tout ça. Mm-hmm. Fait qu'on introduit des facteurs de crainte pour dire, ah ben là, j'ai une femme à faire vivre, j'ai des enfants à faire vivre, et ainsi de suite. Puis si je change ma job, quand je vais être pogné. Ces facteurs de crainte-là nous gardent dans cette job-là pendant longtemps, puis ça nous épuise, puis ça nous empêche de bénéficier d'un travail, puis d'aimer notre travail, puis de conserver notre santé. C'est le facteur de crainte. Si l'homme éliminait le facteur de crainte par rapport à une décision telle que vous me parlez, à ce moment-là, il s'apercevrait que 2-3 semaines après, il y aurait un coup de téléphone, il rencontrerait quelqu'un. La vie, c'est de l'eau. T'es, quand t'es dans l'eau, t'es dans l'eau. Quand tu te mets à gauche, il y a de l'eau, à droite, il y a de l'eau, en haut, il y a de l'eau, en bas, il y a de l'eau. Il y en a tout de l'eau. Mm-hmm. Tu changes tout le temps les jobs, tu trouves ton gâteau, t'en perds une, t'en trouves un autre, c'est ta vie, ça, toi. Lui, il s'en trouve, puis il en perd. La vie, c'est le même. Mm-hmm. Mais la crainte nous empêche de comprendre ça. Mm-hmm. Ces facteurs de crainte-là, ils sont utilisés par la société, ils sont utilisés par la belle-mère, ils sont utilisés par le beau-père, ils sont utilisés par la... Tu sais? Mais finalement, mais... Tu regardes le gars, puis comment ça fait de temps que tu travailles là, ça fait 45 ans. Tu peux pas vivre 45 ans sans même job. C'est quoi ça, 45 ans sans même job? C'est de la permanence. C'est de la permanence. Permanence. Comment je vais vous demander? Là, vous parlez comme un homme conscient. C'est évident. Vous êtes sûr qu'il y a de l'eau. La personne, elle, qui apprend la décision, est-ce qu'il faut qu'il... que sa source lui donne l'occasion de goûter un petit peu de son eau pour pouvoir être capable de savoir que s'il prend la décision, ça va être comme ça. Ou s'il faut qu'il plonge dans son insécurité en souhaitant qu'il soit accueilli à bras ouverts par sa source. Écoutez, parce que être conscient, c'est facile de dire ce que vous dites, parce qu'effectivement, quand on est habitué de savoir ça, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Mais quand c'est la première fois qu'on a à vivre ça, puis à faire face à une crainte qui est peut-être invalidée par d'autres qui, eux autres, ont déjà passé à travers, mais qui, pour l'environnement ou l'individu qui vit, non, c'est pas évident. qu'est-ce qui doit se passer? C'est quoi la chimie électrique qui permet à l'individu de pouvoir dire, bon, là, ce coup-là, ça s'arrête ici? Il y a des individus, oubliez-moi, là, puis prenez, il y a des gens dans le monde, des médecins, vous avez des conseillers, vous avez des professeurs à l'école, il y a toutes sortes de monde qui parlent, qui ne sont pas nécessairement conscients, mais qui parlent avec bon sens. Donc, la notion d'éliminer la crainte de nos décisions, c'est une notion qui peut être épousée par des centaines de personnes dans notre société, qui sont avec nous autres, qui sont dans notre environnement, des parents, des amis, ainsi de suite. Mais c'est à nous autres de pouvoir bénéficier de ce que ces gens-là peuvent nous dire. Il y a des gens qui sont capables de mettre en application des choses. Il y a des gens pour qui c'est plus difficile d'appliquer de ces principes-là. Mais ça fait partie de l'évolution de chacun. Tu ne peux pas demander à un type qui est réellement craintif, inquiet, avec un esprit réellement rachitique, de faire des choses extraordinaires pour lui-même, parce qu'il est déjà dévoré par l'incertitude. Ça, c'est son niveau d'évolution, c'est sa programmation, il n'y a pas de problème universel pour ça. Mais ces choses-là sont dites, ces choses-là sont présentées à l'homme, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il y a des gens qui donnent des sessions de motivation dans le monde pour motiver les individus. Donc, il y a des gens dans le monde qui amènent vers nous des notions intéressantes, utiles, valables, qui ont été testées dans l'expérience psychologique de l'ego. Puis c'est à nous autres d'y prendre. Si on le regarde d'un point de vue initiatique, où ça devient plus catégorique, mais éventuellement, mais l'homme réalisera que c'est comme ça que ça marche. C'est comme le petit gars qui va à l'eau, qui va apprendre à nager. C'est pas évident, ça, que quand tu sens qu'un enfant de 7 ans à l'eau, qu'il va se ramasser sur le bord de la rive, c'est pas évident. Quand même, son père dit que moi, je l'ai fait, puis je me suis retrouvé au bord de la rive. Pour lui, c'est pas évident, traverser 30 pieds de piscine. Fait que le père, si tu veux que le père fasse, tu sais, si le petit veut pas le faire, il faut qu'il va le crisser à l'eau, mais il va être obligé, simplement par survival, d'atteindre l'autre, à moins qu'il soit réellement rachitique dans l'esprit, puis là, il se laisse descendre dans le fond de l'eau. Et ça, je le doute, mais je suis qu'il y en a du monde de même qui se laisserait aller. Mais ça, c'est des cas graves. Ça évolue pas du monde de même. D'abord, je vous ramène dans la deuxième partie pour étudier ce mécanisme-là de confiance dans l'autre quand on est en situation de crise. Merci pour la première partie.